Audiomatique. Transmission 546 d'Audiomatique était lancée sur la courte pièce « Desaparecer » de la formation Mundaka. La pièce se trouve sur l'album conjoint homonyme « Almirante Akbar y Mundaka ». Et maintenant, c'est au tour du groupe anglais Love and Rockets d'assurer la continuité à Audiomatique. Thank you. Nous avions droit à Audiomatique, à la formation suédoise A Swarm of the Sun, de son quatrième album An Empire, paru en 2024. Nous entendions la pièce The Pyre. Tout juste avant A Swarm of the Sun, nous avions droit à la musique du groupe anglais Love and Rockets, de son dernier album studio Lift, sorti en 1998, nous vous avons présenté la chanson My Drug. Poursuivons Audiomatique sur une composition collaborative des artistes Miguel Ruiz et Dante González. Thank you. à Audiomatic. Nous venons d'écouter une longue improvisation issue de la collaboration entre les artistes Miguel Ruiz et Dante Gonzalez. La composition s'intitule En tiempo real, en temps réel en français. Il est possible de l'obtenir gratuitement par l'entremise de la page Bandcamp de l'étiquette Heavenly Music à l'adresse heavenlymusic.bandcamp.com. Et ce sera la charge du projet Zetangas de mettre un terme à cette transmission d'Audiomatique. La pièce que nous allons entendre, intitulée Yum Yum Endless, apparaît sur la compilation Vamos a ser Felices, produite par l'étiquette Boo Records. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatique-cfou. Si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Alors, pour terminer, Zetangas et la composition Yum Yum Endless. C'était Audiomatique avec les sonoristes.